Je suis bien placé si je circule à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D.